Le Pen a raison. Le Pen a raison. Les picots sont des cochons. Le Pen a raison. Le funk est breton. Le Pen a raison. Les négros sont des espions. Le Pen a raison. Le funk est breton. Un jour, j'étais à la maison, je jouais du tam-tam breton. J'avais trouvé un rythme super, c'était le funk breton. Mais un négro espion et un picot cochon qui traînaient par là, sous le prétexte de ne pas balayer la rue et d'enlever les poubelles, ont entendu mon rythme d'enfer. Salut le picot, salut le négro. Et voilà qu'à la radio, j'entends les picots alliés aux négros qui jouent du funk. Ces salauds-là veulent piquer mon rythme. Et ils ont joué du funk breton, du funk français. Salut le picot. Ça va les négros, picots cochons, négros espions. Ils m'ont piqué le funk breton. Ils ont piqué ma chanson pour se faire du pognon. Le Pen a raison. Les négros sont des espions. Le Pen a raison. Le funk est breton. Le Pen a raison. Les picots sont des cochons. Le Pen a raison. Le funk est breton. Le Pen a raison. Les négros sont des espions. Le Pen a raison. Le funk est breton. Un jour, j'étais à la maison, je jouais du tam-tam breton. J'avais trouvé un rythme super, c'était le funk breton. Mais un négro espion et un picot cochon qui traînaient par là, sous le prétexte de ne balayer la rue et d'enlever les poubelles, ont entendu mon rythme d'enfer. Salut le picot, salut le négro. Et voilà qu'à la radio, j'entends les picots alliés aux négros qui jouent du funk. Ces salauds-là veulent piquer mon rythme. Et ils ont joué du funk breton, du funk français. Salut le picot. Ça va les négros, picots cochons, négros espions. Ils m'ont piqué le funk breton. Ils ont piqué ma chanson pour se faire du pognon. Le Pen a raison. Les négros sont des espions.